Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Ma plume en souffre douleur. Je me brise les côtes pour rien dans un grand vide néfaste et indolore. Faut que je m'accommode aux pitreries d'un show rocambolais. Je veux bien être en avant, oublie ton bœuf sans buter sans Rolex. J'en place une pour le score, car toujours anti-port d'art. Noir et la tenue, un stylo pic en guise de port d'art. Je gratte sur mon Sony pour m'en souvenir et j'avoue que ça m'aide. Déroule sur du A4 quand dans ma tête faut que j'évacue sa mère. Bref, je vais être présent dans ton bouquet de rimeurs. Je suis hors catégorie de CMC au Facebook, chaîne mineur. Des coups de blues, pourquoi, comment, des questions sans réponse. Ainsi vivent autrement sans mes soucis à gripper dans les ronces. C'est à ce moment-là que je coma dans mes tracas. Dans l'étalage, mon encéphale implique une prod et un digramme. Et toi, dis-moi comment tu vois un monde logique et sans histoire. Blanche colombe, je la vois grisée entre terreur et désespoir. Je me suis laissé aller au fil de ces questions, frère. J'essaie d'aller, je fais de mon mieux, ne serait-ce qu'elles sont. J'ai cherché les mots bénis, sans remercier les autres dénigres en énigmes. J'ai su tirer des leçons de cette pression, mec. Je me suis laissé aller au fil de ces questions, frère. J'essaie d'aller, je fais de mon mieux, ne serait-ce qu'elles sont. J'ai cherché les mots bénis, sans remercier les autres dénigres en énigmes. J'ai su tirer des leçons de cette pression, mec. J'ai dû voir toutes mes lacunes à la baisse. Apprendre un bac jusqu'à la fin, passer de la plume à la scène. Parce que je peux rien à perdre, j'ai tracé mon chemin. Le ventre vide sans rien demander, car j'assumerai ma fin. Sans chercher le pourquoi du comment. Pourquoi ces choses nous séparent? Pourquoi doit-on les croire quand ils disent que le couloir est trop long? C'est simple, frère, ils nous promettent mondes et merveilles. Mais qu'ils sachent que des gars comme nous peuvent être à la fois sournois et trop bons. Je porte cette sale étiquette. Pourquoi sortir équipé quand j'ai les mots communs? Pourquoi pensent-ils qu'un rappeur est une pipelette? J'ai tout sacrifié ou presque, au prix des lettres. Pourquoi? Oui, pourquoi? Peut-être parce que j'aime tout simplement cette vie. Merde, je croule sous les questions, j'attends que mes douleurs s'estompent. Méfie-toi de le rire quand tu ne sais pas ce qu'ils cachent sous leur veston. Je suis parti de rien pour finir artiste ou bien autre chose. Bref, allez dire à ces cons que pour leur je reste sombre. Garçon bon sans dealer, à quoi ça mène? À que cela ne tienne, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ou son dealer. Ça dépend de son humeur. Explique pourquoi on voit des enfants au charbon quand même ils sont mineurs. Pourquoi je transmets même à peine sans faux détour. Je suis fou des jours. Explique pourquoi même Ben Laden me joue les tours. Ado je me fous des cours, je suis contre et me fous des pour et me fous des coups. Pourquoi tant d'humains crèvent de faim c'est tous les jours. Je suis fou et sourd à leurs discours et interprétations. La discussion c'est comme les cheveux garçons, je veux couper court. Pourquoi tu crois que t'en doutes j'ai marché des kilomètres. Pourquoi tu crois qu'en soute j'ai caché 3 kilos d'herbe. Pourquoi les moutons sont mangés par les loups dans les tables. Écoutons mais de quoi dont parlez-vous dans les fables. Les feux de l'amour laissent rarement les cendres d'amitié. Sur cette péché, il n'y en a qu'un au centre, vanité. Je me suis laissé aller au fil de ces questions, frère. J'essaie d'aller, je fais de mon mieux, ne serait-ce qu'elles sont. J'ai cherché les mots bénis, sans remercier les autres dénigres en énigmes. J'ai su tirer des leçons de cette pression, mec. Je me suis laissé aller au fil de ces questions, frère. J'essaie d'aller, je fais de mon mieux, ne serait-ce qu'elles sont. J'ai cherché les mots bénis, sans remercier les autres dénigres en énigmes. J'ai su tirer des leçons de cette pression, mec. J'ai su tirer des leçons de cette pression, mec.